Fréquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. RPL Radio, en DAB+, et sur 99FM. Et maintenant, en platine, papa. Comme maman. Hello, hello, la planète RPL, bienvenue dans Fréquence Club, votre after vitaminé du samedi matin sur votre radio RPL. On écoute en radio numérique, sur le traditionnel 99FM ou encore directement sur le site. C'est Kimbo pour vous accompagner jusqu'à 9h. On remercie Tonton J et son émission Back to the House. Il sera au rendez-vous la semaine prochaine et l'année prochaine. Oui, c'est la dernière de l'année. On va s'amuser. On va se faire 2 heures de mix. Dans la première heure, je vais vous emmener planer dans les nuages avec des morceaux assez atmosphériques, je dirais. Et dans la deuxième heure, on va résumer la saison 2018. Donc ce sera à base de techno, de tech house et de progressive. Donc si t'es au boulot, ben on te souhaite bon courage. Et si t'es dans ton lit, move ton body. Allez, on continue ton week-end électronique. Bien. Radio. tracteur du samedi matin. Thank you. vous aime sur les ondes d'RPL. replay sur le www.fréquenceclub.com. I thought that love was, and vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Club, votre after vitaminé du samedi matin, le son qui vous va bien sur votre radio RPL. Fréquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. Heure s'achève, j'espère qu'elle vous aura été très agréable, qu'elle vous aura bien fait planer. Dans la deuxième heure, on va partir dans une ambiance techno, tech house et progressive. A tout de suite. We'll be right back.